voilà, mais tu peux pas te dire aujourd'hui je suis belle, j'ai qu'un sein et je vais mettre un décolleté. Ben non. Voilà. T'es obligé, il y a plein de choses que tu peux plus mettre. T'es obligé de faire du tri dans tes fringues. Moi j'ai réessayé toutes mes fringues, là où c'était trop décolleté, qu'on voyait la cicatrice en haut, et ben je me suis débarrassée de plein de choses. J'avais plein de fringues avec des décolletés et puis des soutiens-gorge pigeonnants et j'aimais beaucoup mes seins et voilà, faut faire le deuil quoi. Et toi, ben moi je suis pas dans la même. Nous sommes à la maison de santé de Saint-Ouen-du-Tilleul dans l'Eure. Ben moi j'ai m'ont retiré que la tumeur. Autour de la table, il y a Christelle, Clotilde et Isabelle. Tu as tes seins, mais tu as cette maladie. Ben, au début, j'avais beaucoup de mal à me regarder parce que j'avais la cicatrice. Je trouvais que j'étais complètement déformée. Pour ces femmes, a priori, le plus dur est derrière. Le choc vertigineux de l'annonce d'un cancer, la chirurgie avec la disparition traumatique d'une partie de soi, les traitements, le corps qui change, l'entourage qui ne peut pas comprendre. Taper, mais même entre amis, le groupe d'amis et tout, ils m'appelaient toujours la bombasse parce que bah, j'étais blonde, bien foutue, avec des beaux seins décolletés. Bon, bah, la bombasse, elle en a pris un sacré coup. Les cheveux, ils n'ont pas repoussé du tout pareil. Aujourd'hui, ces femmes s'autorisent enfin à regarder vers l'avenir. Je dirais, on a quand même de la chance d'avoir une mutilation qui peut être réparée. Donc, il faut prendre un petit peu de recul oui, et se dire, sûr, voilà, c'est-à-dire parce que là, on réagit. D'ailleurs, l'atelier est fait voilà, avec nous. Tu aurais des femmes qui ont été reconstruites. Peut-être que tu nous en parleras un jour. J'ai une amie qui est reconstruction et qui m'a dit, c'est moche, quoi. Elle a souffert. C'est Anne-Marie Benaroun. Bon. Elle aussi a été malade, mais elle a ici un statut un peu particulier. Pourquoi justement, quand on est reconstruite, on est souvent déçu du résultat. Elle est patiente partenaire, diplômée de l'Université Paris-la-Sorbonne. L'idée, c'est de transformer l'expérience des malades en expertise. Alors Anne-Marie est devenue une spécialiste de sa maladie. Elle anime des programmes d'éducation thérapeutique, accompagne des patients, mobilise des professionnels et des établissements de santé de proximité. Moi, j'ai eu beaucoup de colère suite à l'opération. Reprendre le pouvoir sur le cours des choses, lutter contre ce que l'une de ses patientes appelle le paternalisme médical. Pour d'autres, comme l'explique ici Christelle, il s'agit de conjurer une forme de maltraitance médicale. Pas, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas eu de compassion du tout, j'ai eu mal. Elle m'a dit, bon, bah, si c'est comme ça, j'arrête et puis je reviens plus tard. Et elle m'a laissé sur le lit, torse nu, il faisait froid. Et elle m'avait dit d'appeler si j'avais besoin, mais j'avais même pas la force. Enfin, j'avais tellement mal que je pouvais même pas aller. Donc, je suis restée peut-être une heure comme ça, le sein à l'air, et sans voir personne. Et ça, ça a été pour moi d'une violence extrême, quoi. Non, j'ai trouvé zéro empathie et enfin, c'était horrible. En ce qui me concerne, moi, je déteste tellement les hôpitaux que j'ai appris que ça pouvait être fait en ambulatoire. J'ai fait faire mon opération en ambulatoire. Et voilà, j'étais très contente de partir le plus rapidement possible, que mon mari vienne me chercher. J'étais obligée d'y passer, mais c'était parce que ça pouvait pas être fait ailleurs, quoi. Le milieu hospitalier, c'est un milieu... on y meurt à l'hôpital, mais on n'y vit pas. Donc voilà comment je le ressens, moi. Donc, pareil que tout à l'heure, là, vous allez prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir. Je veux vraiment que vous réfléchissiez à cette question, parce qu'elle est très importante. En quelques mots, décrivez-moi votre corps. Cancer, la nouvelle ère. Université des patients, redonner du pouvoir aux malades. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Anne de Belchin. Deux ans après le pronostic de cancer du sein métastatique, je décide de devenir patiente partenaire, poussée par une envie de comprendre déjà ce qui m'arrivait, mais ce qui arrivait aussi aux autres patientes, poussée par une envie de reprendre le pouvoir sur cette vie. Et ce qui m'a aidée, c'est le fait de devenir patiente partenaire. C'est le fait de dire, j'ai une expérience de vie avec la maladie qui est énorme et qui pourrait servir à plein d'autres patientes, qui pourrait servir à des professionnels de santé, qui pourrait servir à des universités. Et ben, si ça doit être le dernier engagement de ma vie, ben, ça sera celui-là. Et c'est ce qui me tient aujourd'hui. Lily. Ça a commencé en juin 2018. On m'a annoncé un cancer du sein. Et ça venait après une longue période où je passais toutes mes RTT chez les médecins à essayer de comprendre ce qui se passait. J'étais extrêmement fatiguée. J'avais plusieurs symptômes. Et celui qui aurait pu alerter les médecins, c'était une boule devant, de sein gauche, qui s'est transformée, une boule qui a grossi, et avec des taches, en fait. Et le médecin traitant que j'ai vu à l'époque, pour différentes choses, n'a pas ausculté, en fait, le sein, n'a pas regardé le sein. Et par ailleurs, j'ai été voir un gynécologue. Et quand je lui ai dit, mais c'est quoi les taches, là, sur mon sein, je me suis pris, enfin, madame, je ne suis pas dermatologue. Donc, j'étais vraiment désemparée. Et quand l'annonce est tombée, ça a été un choc. Ça a été de la colère, ça a été une immense tristesse. Et ça, c'était le premier choc, c'était l'annonce du cancer du sein. Et quand on m'a dit, mais en fait, en juillet 2018, c'est un cancer du sein métastatique, là, j'ai cru que j'allais mourir. L'oncologue qui m'a reçue m'a dit, en fait, vous êtes déjà au stade 4, on ne peut pas vous guérir, on peut juste vous maintenir en vie, en fait. À quel âge ? J'avais, 2018, j'avais 43 ans. Du jour au lendemain, je redéfinis toutes mes priorités. Et mes priorités, faut savoir que j'ai pas de famille socialement. Mon compagnon est parti au moment où on m'a déclaré le cancer. Pas immédiatement, il a eu des belles phrases. Il m'a dit, tu es sur une course de fond. Voilà, je t'accompagnerai. Et en fait, dans les faits, il est parti. Et sans un mot, aucun mot. Et ça a été horrible. J'ai beau être une femme intelligente, reconnue en général comme une femme intelligente, je ne sais pas gérer un traitement au long cours. Et en plus là, toute seule, tous les soirs, avaler sa gélule de chimiothérapie en ayant conscience que le début de mes problèmes en termes de fatigue, d'immunodépression, de douleurs articulaires, de douleurs musculaires, de plein de choses en fait, allait arriver avec. Et ça a été le plus difficile, c'était de leur dire, mais enfin... J'ai pas eu de cours pour ça, quoi. Et puis ce temps aussi, les médecins, malheureusement, ils manquent de temps. Ils manquent de temps. Moi, je me suis pris une fois dans la figure, moi, j'ai encore 3 patientes après vous, voilà, c'est fini. Ça faisait quand même 15 jours qu'on m'avait expliqué que j'avais un cancer stade 4, quoi. Quand vous êtes face à une maladie qui engage votre pronostic vital, je crois qu'en France, en tout cas, on peut attendre quand même de l'écoute, de la bienveillance, de l'explication, voire de la réexplication, pour que nous, on s'approprie cette nouvelle vie qu'on n'a pas choisie et qui va nous priver en plus de beaucoup de choses derrière. Votre gynécologue, qui n'analyse pas une tache qui s'avérera suspecte en vous disant qu'il n'est pas dermato, là, vous avez subi ce qu'on appelle une perte de chance. Ouais, complètement. Complètement, et je suis désolée, là, je suis un peu émue, mais parce que ça me fait revivre, en fait, cette scène-là. Moi, j'étais désarmée. Parce que j'ai su après que c'est effectivement des nodules de perméation. Ça a été le ton aussi, et puis... même si t'es pas dermato, tu peux réorienter, quoi. C'est bien le problème, d'ailleurs, pour les femmes jeunes. C'est que pour les cancers du sein hormonodépendant, nous, les femmes jeunes, nos hormones, elles sont pleinement là, pleinement actives. Et on ne bénéficie pas de la mammographie à partir de 50 ans. Or, les cancers hormonodépendants sont, comme on a toutes nos hormones, sont plus agressifs, du coup. En tout cas, ils vont plus vite. Et c'est pas dans l'imaginaire des médecins de ville. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai fait mon mémoire, d'ailleurs, sur jeunes femmes et cancer du sein métastatique. Et c'est le triste constat que je fais. C'est que, il y a probablement un manque de formation des médecins de ville. Et nous, quand on décrit nos symptômes, notre mal-être, vous êtes fatigué, vous déprimez. Sauf que une boule dans le sein qui grossit, ça s'appelle un cancer du sein, et même si j'ai 43 ans, quoi. Ouais, clairement. Clairement, c'est une période de chance. C'est une vie qui se raccourcit. Quand vous pouvez profiter que de 4 mois en 4 mois, c'est quoi cette vie, quoi ? Vous l'avez contacté, ce gynécologue, après ? Non, parce que après vous êtes dans la nébuleuse. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai sauvé ma vie, en fait. Et peut-être, il viendra un temps où je signalerai, ouais. Je signalerai à ce gynécologue ou même à d'autres institutions. Mais moi, mon objectif depuis 5 ans, ça a été de rester en vie, quoi. Et faire des démarches comme ça, qui peuvent être des démarches juridiques, c'était trop d'énergie, trop d'argent, trop de temps. Et quand vous n'en avez pas, du coup, vous le faites pas. Moi-même, je viens du monde des vulnérables, donc c'est évident que ça fait partie de mes engagements ou de la couleur de mes implications. Catherine Touret-Turgis, enseignante-chercheure, fondatrice de l'Université des patients. Pour moi, quand je dis je viens moi-même de la vulnérabilité, c'est que j'ai commencé ma vie en étant abandonnée, mise en famille d'accueil à l'âge de 3 mois. Enfant d'une fille mère dans les années 50, eh bien, je me suis retrouvée dans une position finalement d'enfant avec d'autres enfants où on était disqualifiés. C'est-à-dire on nous appelait à l'époque les Pouchindrés en Normandie. Un jour, j'ai découvert que Pouchindré, ça signifiait poussin de haie. Et je voyais bien dans le village où quand les personnes, voire les notables, la dame du château, la bijoutière d'en face, la maison, passaient devant notre maison, que nous ne comptions pas. On a découvert à plusieurs, nous-mêmes les enfants, qu'on pouvait s'organiser et que c'était quand même à nous en partie de nous auto-organiser pour faire face aux exclusions dont nous étions les objets dans le village. J'ai découvert à ce moment-là qu'en tant qu'enfant, nous étions d'une certaine manière enfants experts. Parce que quand les services sociaux venaient, on savait avant ce qu'il fallait dire à l'assistante sociale, ce qu'il ne fallait pas dire. Quand nos parents biologiques faisaient des visites, on écoutait aux portes, donc on apprenait sur notre condition. Et là aussi, on découvrait petit à petit comment finalement nous situer, on apprenait à se consoler les uns les autres. On disait, dis donc, toi c'est pire que moi, sois pas triste, viens, on va jouer, on va se défendre, et puis on va pas se laisser faire. L'Université des patients, même si je l'ai fondée moi-même à l'époque à l'Université Pierre et Marie Curie dans une faculté de médecine, je dis toujours, elle n'est pas née dans ma tête. Elle est née et pour moi, c'est un héritage de la lutte contre le sida dans lequel j'ai été particulièrement active à partir des années 84 et pendant 20 ans de ma vie. Et je dis aussi que l'Université des patients, c'est un héritage des luttes féministes dans lequel j'ai été aussi participante et active dans les années 70. L'Université des patients, après la lutte contre le sida, c'était une idée assez simple. Comment transformer cette expertise construite, merveilleuse, mise en situation par les malades eux-mêmes, comment finalement la reconnaître ? La reconnaître, c'est prendre une voie royale qui s'appelle la voie de la diplomation. Donc j'ai décidé en 2010 de m'engager, puisque j'étais universitaire en poste, dans la diplomation des malades. Et comme je dirigeais des diplômes, dont un en éducation thérapeutique, j'ai pris la liberté personnelle, presque déontologique au niveau professionnel, d'inclure des patients dans le diplôme que je dirigeais sans en demander l'autorisation. C'est-à-dire, personne va venir vous libérer de votre condition à votre place. Il y a des innovations où il faut juste les faire. Plus tard, 350 patientes partenaires ont été diplômées. Chacune ensuite va travailler dans un champ proche de son expérience et de son savoir initial. Lily, par exemple, est particulièrement engagée en matière de sensibilisation au cancer du sein auprès des agents exerçant dans la fonction publique. Elle creuse aussi ses propres centres d'intérêt. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je suis engagée dans plusieurs associations, dont une association qui s'appelle HOPE, hein, une association qui propose de l'équithérapie, de l'art thérapie aux patientes. Et en fait, moi, dès que je suis en présence d'un cheval, j'ai une tendance à m'apaiser. Donc, le but, c'est, dans un premier temps, de leur proposer une journée à la campagne, dans un club équestre, en mode cocooning. Et chaque patiente, en fait, choisit son cheval et de voir ce que ça déclenche chez les patientes. Il y a un effet miroir qui est énorme. Et du coup, c'est immédiat. Les patientes viennent me parler, viennent échanger. Voilà, on peut échanger à la fois d'hormonothérapie, on peut échanger de mal-être psychologique, on peut échanger sur le rapport au travail, on peut échanger sur tout, en fait. Il n'y a pas de sujet tabou. Et le but n'est pas de leur donner des recettes magiques, parce qu'il n'y en a pas. Le but est de leur dire, voilà mon expérience. T'as besoin d'une association pour t'aider au niveau socio-esthétique, tiens. T'habites où ? Ok. Pourquoi t'irais pas là ? T'as besoin d'un deuxième avis ? Ok. Sache qu'il existe plusieurs centres de lutte contre le cancer. Voilà. Et c'est ça qui est génial en tant que patiente partenaire. Pourquoi il n'y a que des femmes ? Ça, c'est une bonne question. Nous, on sait que quand on vient dans les associations de patientes ou quand on est en contact de patientes partenaires, ou entre nous, en fait, il y a une sororité qui est immédiate. Mais parce que je pense que les femmes ont déjà cette habitude de papoter, de « allez, on prend le thé et t'en es où, là, dans tes amis, dans tes amours, dans ton travail ?» Bah, on le fait avec la maladie. Les hommes, c'est pas encore ancré dans la culture. Moi, j'aimerais beaucoup travailler avec des hommes patients. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous oubliez que vous êtes malade ? Oh oui, on peut dire ça, ouais. Ouais, il y a des moments où j'oublie. D'ailleurs, ce qui est amusant à préciser, c'est que je suis depuis 5 ans sur ma première ligne de traitement et je suis en réponse complète. Comme ça, quand c'est un stade 4, on ne peut même pas parler de rémission et encore moins de guérison. Mais en fait, il n'y a plus rien sur les images. Si je vais montrer mon sein à un radiologue qui ne sait pas que je porte en mon sein un cancer du sein métastatique, pour le coup, aujourd'hui, je serais détectée encore moins qu'avant, quoi. Et c'est ça, ce paradoxe, en fait. C'est que je vis avec une maladie grave. Dans 6 mois, il peut se réenflammer dans mon corps. Mais en fait, personne ne voit rien. Moi, c'est ça ma vie aussi, c'est de me dire vous savez, quand je fais mon scanner tous les 4 mois, je suis plutôt rigolote, donc je fais rire les équipes et tout ça, hein, du centre dans lequel je suis suivie. Mais en fait, je n'en ramène pas l'air au bout du bout. Parce que je sais qu'il y a un jour, on m'annoncera qu'il y a une tâche. Un jour, on me réannoncera que ça brille. Et que selon l'endroit où ce sera, y aura peut-être ou pas une thérapie pour de nouveau l'étouffer. Moi, j'ai l'impression que le cancer, c'est comme un feu, en fait. Et que les soignants, en fait, c'est mes partenaires pour... en fait, c'est mes pompiers, voilà, c'est ça. C'est mes partenaires pour étouffer ce feu. À l'issue de la chimiothérapie, le pronostic n'était pas bon du tout. et la tumeur avait doublé de volume. Et donc il fallait être agressif en fait d'emblée pour le soigner. Et à l'issue des séances de chimiothérapie, là l'onco me dit votre situation s'aggrave, on va pas se mentir, vous descendez dans l'échelle de guérison. On va vous opérer et il va falloir passer par l'ablation totale de votre sein. Et je peux vous dire que la fenêtre de tir pour rencontrer les chirs et prendre la décision est très courte, puisqu'il faut attendre les effets de la dernière chimio. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps, puisqu'après, les cellules rembrayent. Donc, l'onco, sur ce, m'envoie voir un chirurgien gynécologue. J'ai 35 ans et je vais subir une mastectomie. Je n'ai aucune information à ce sujet et j'ai fait confiance au médecin. Et en fait, à ce moment-là, je n'aurais pas dû, mais je ne le savais pas. Stéphanie Bailleul, patiente partenaire. Mon oncologue m'oriente vers son copain chirurgien, gynécologue, et se passe la rencontre. Donc le gynécologue me propose donc la mastectomie avec la reconstruction immédiate. Parce que vous entendez bien, jeune femme, je ne me voyais pas sortir du bloc sans sein. Pour moi, c'était inconcevable. Ce chirurgien m'a proposé une solution, une seule. C'était la reconstruction par grande dorsale avec la pose d'une prothèse immédiate. Donc on utilise un muscle, c'est one shot cette opération. On a un muscle du dos qui est basculé devant pour faire la loge afin de recueillir la prothèse. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que la radiothérapie qui est programmée derrière va détruire ce muscle et va altérer la reconstruction. Donc là, je dis encore une fois merci à mon gynécologue. Parce que lui qui faisait partie de la commission pluridisciplinaire a entendu parler de mon dossier, de mon cas. Et tout de suite, il m'a appelé en me disant « ne te fais pas opérer, ne te fais pas opérer ». Il m'a laissé je ne sais combien de messages. Et en fait, il a tellement insisté, il nous a reçus en consultation. Et là, il m'a dit « écoute ». Donc, parce qu'après, il me tutoyait. Il m'a tellement vu en long, en large et en travers. Il m'a dit « écoute, Stéphanie, il y a d'autres possibilités qu'il faut explorer. » Mais je lui dis, vous êtes marrant, mais lesquelles? Enfin, moi, on ne m'a rien expliqué. Je suis l'onco. C'est lui qui est le chef d'orchestre de mon parcours de soins. Je lui fais confiance. Et il me dit, mais écoute, il y a les plasticiens. Donc, on était en train de vous envoyer dans le mur, quoi. Oui. Parce qu'avec cette histoire de reconstruction immédiate avec un nerf du dos. Oui. Qui accueille une prothèse, mm-hmm. Ça aurait été bousillé par la radiothérapie. Tout à fait. À partir de ce moment-là, je me suis mise à remettre en question les décisions de l'oncologue. D'autant que je me suis demandé si ce n'était pas un business, en fait, parce que le chirurgien gynécologue me proposait un dépassement assez onéreux pour m'enlever le sein, refaire la reconstruction. Mais on parle de combien, là? On parle de quoi? Pour un sein, 600 euros. Et donc, il m'a proposé de payer en plusieurs mensualités. Et je lui ai regardé, je lui ai dit, mais attendez, vous me proposez un crédit pour ma santé? Mais je dis, j'ai pas demandé à être malade. Et donc, je me suis retrouvée un peu comme une marchande de tapis à négocier un tarif pour ma survie. Donc là, tout ça, ça a cheminé. Et à partir de ce moment-là, j'ai remis un peu en question l'autorité du sachant qui était là pour mon bien normalement, et c'est la personne envers qui je devais faire toute confiance. Ça vous fait quel effet de remettre en cause le savoir d'un médecin à ce stade? Alors, c'est très très loin de mon éducation. Le personnel soignant détient le savoir, ce sont les sachants, et nous, en fait, on obéit. Donc ça m'a fait très bizarre, et je me suis dit, c'est pas normal de devoir remettre en cause la situation, d'autant qu'à l'issue de l'opération, il me sort, on va peut-être au final ne pas faire la radiothérapie. Et je lui dis, attendez, j'ai passé 2 semaines horribles à me décider si je me faisais opérer ou pas, si j'attendais une reconstruction en différé ou pas. Et là, à l'issue de l'opération, je ressors du bloc quand même sans sein, j'ai 35 ans. Et je dis là, vous me dites que vous ne faites pas la radiothérapie? Et je dis, mais vous allez me la faire? Je dis, moi, je ne me suis pas fait reconstruire tout de suite à cause de ça. Je dis, vous allez me faire la radiothérapie. Et là, il m'a dit, bah, écoutez, je vais en discuter avec mes autres collègues onco et je reviens vers vous. Et j'ai dit, OK. Et il est revenu vers moi et il a maintenu la radiothérapie. Je pense que ce que ça remet en question, c'est le pouvoir d'agir des personnes en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire que dans les cadres sociaux du prendre soin d'autrui, quand il y a des vulnérables, le contrat social, très dominant dans toutes les sociétés d'ailleurs, c'est de dire, vous avez un souci, vous êtes vulnérable, on va s'occuper de vous, à la condition que vous renonciez à votre pouvoir. Ce que vous remettez en question, finalement, c'est la verticalité à l'œuvre dans l'hôpital. Alors, la verticalité à l'œuvre dans l'hôpital, en fait, ça... Oui, enfin, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe, y compris pour l'hôpital. En fait, le problème, c'est que si le soin est organisé par l'administration et qu'il est vertical, on n'arrive à rien. Et on est en train d'en payer le prix, tous au niveau de la collectivité, etc. Donc, un soin, si on veut que ça soit efficace, eh bien, peut-être que c'est de co-construire le parcours de soins, le soin avec les personnes directement concernées, qui ont plein d'idées. C'est-à-dire, quand vous prenez le parcours de soins, on le voit, nous, à l'université, dans notre diplôme en oncologie, en disant, ça, c'est le parcours de soins décidé par le champ de l'oncologie. Maintenant, on va faire un parcours de soins, le vôtre tel que vous l'avez vécu, et vous allez mettre des croix là où il y a des trous dans la raquette. Bah, tout de suite, les patientes, les patients mettent là où il y a des trous dans la raquette. Quand on propose ensuite à des soignants, ils disent, bah oui, elles ont raison. Elles ont raison. L'horizon de tout cela, ça pourrait être par exemple un hôpital créé et co-géré avec des patients, voire inventé par des patients. On pourrait lancer une expérimentation de qu'est-ce que serait un hôpital co-construit, architecture, les chambres, l'organisation du parcours du temps médical, pensé selon une perspective patient par des patients. Je crois que ça, c'est peut-être une des suites logiques de l'Université des patients. Charlotte Joly, oncologue à l'hôpital Henri Mondor. C'est vrai que d'avoir, dès la création des projets, un regard du patient partenaire, c'est un plus parce que ça peut nous dire là on s'égare, là on se rapproche de ce dont ont besoin les patients. Et puis le deuxième point, c'est pour le patient, je pense qu'il n'y a pas le même vocabulaire, c'est une approche qui est plus, j'allais dire plus familière, mais ce n'est pas forcément le bon terme, mais il n'y a pas la blouse blanche, il n'y a pas tout ce côté un peu strict que nous on peut avoir un peu à l'hôpital. C'est un vocabulaire différent, c'est une écoute aussi différente, parce que nous on voit bien que les patients, quand ils ne vont pas bien, bah, au bout d'un moment, ils nous disent assez souvent, de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Claire Kéval, cadre de santé. Vous n'avez pas vécu ce que je vis. Et c'est vrai que là, le patient partenaire a toute sa place en disant, j'ai traversé aussi ces épreuves, je sais de quoi vous parlez, et malgré tout ça, voyez où j'en suis aujourd'hui. En plus, il y a ce côté très positif, je trouve, du patient partenaire qui est très aidant. Et puis, c'est vrai que nous, on reste un petit peu sur des habitudes, des fois de travail, des choses comme ça, où on est un peu la tête dans le guidon. Et ce regard extérieur du patient partenaire est très riche, ne serait-ce que sur l'utilisation des mots. C'est vrai que quand elle nous a raconté, Claude, que quand le médecin lui a dit « vous avez une tumeur », elle l'a entendu en deux mots. Claude, voilà. C'est Claude Ganter. Aujourd'hui, après un cancer du sein et deux récidives, elle est devenue patiente partenaire. Elle accompagne la prise en main d'un outil numérique de communication entre les équipes médicales et les patients. C'est une appli très simple d'utilisation. Elle permet aux patients de renseigner les médecins sur les effets secondaires du traitement en temps réel. À l'arrivée, le gain de temps est évident et le confort des patients s'en trouve amélioré. De la réassurance et de soins, de bien expliquer, et puis que dans ce parcours, les patients en face, que derrière, il y a une observance, où il y a, enfin, c'est surtout sur ces questions-là. C'est vrai que tu sais aussi, tu connais très bien les outils Internet, donc dans le domaine, en plus, qu'on essaye de, nous, d'améliorer et de développer, on a vraiment une compétence en plus avec ton regard. Tous les diplômes que tu as eu en plus. Et puis, je trouve que pour le patient, ça le rassure et ça l'aide à adhérer à l'outil qui, pour nous, en fait, a largement prouvé médicalement une plus-value dans la surveillance des patients. Donc, on est convaincu de l'importance de la télémédecine associée à du soin actif, mais ça aide les patients, ça limite les effets secondaires. Et ça accélère en fait les prises en charge quand il y en a besoin. Et donc et aussi, pour les patients qui vont bien, ça accélère aussi leur traitement parce qu'on sait qu'ils vont bien. Donc on gagne du temps pour les patients qui vont moins bien. Et donc il faut absolument faire adhérer un maximum de patients. Et c'est vrai que dans tous ces projets-là et cet accompagnement, je pense que le patient partenaire nous aide. Puis c'est aussi 3 jours avant de revenir à la chimiothérapie. C'est à côté de votre biologie médicale quand vous allez faire votre prise de sang. C'est une façon d'envoyer aussi des informations à l'équipe pour savoir si vous avez de la fièvre, si vous avez un problème particulier. Et donc c'est une façon aussi d'anticiper votre prochaine cure. Oui, oui. Ouais, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème particulier. Donc si vous voulez, je me contente du questionnaire. Est-ce que vous prenez les photos ? C'est vous qui prenez les photos ? Ah oui ? Oui. Bah, par exemple, vous ne sentez pas très bien, il y a une rougeur quelque part, etc. Bah, vous pouvez prendre votre décolleté en photo, l'enregistrer et l'envoyer directement la classer dans l'application. Et mettons, si vous voulez, à un moment donné, que le médecin regarde aussi la photo, c'est une façon, il ouvre de son côté et peut regarder ses informations. Oui. C'est juste ça, hein, oui. Voilà. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop anxiogène, non. Hein, on est d'accord. Non, je ne veux pas, surtout en ce moment, je ne veux pas me compliquer la vie. Exactement. Non. En créant cette université, vous renversez en fait le paradigme, c'est-à-dire que le patient n'est plus un problème, mais il est une partie de la solution. Souvent, on fait endosser aux patients des problèmes qui ne sont pas les siens. Si on prend par exemple le cas de l'observance thérapeutique, où on annonce régulièrement que dans les maladies chroniques, il y a 50% des prises de traitement qui ne sont pas prises, et que donc il y a une inobservance. Ben, ça ne dépend pas que du patient. Il y a même les études qui ont montré que ça dépend d'abord des traitements eux-mêmes, la galénique, enfin des choses extrêmement précises. Ça dépend de l'organisation du soin, ça dépend de la coopération entre les soignants, ça dépend de peut-être d'un manque d'information sur la toxicité des médicaments, d'un manque d'éducation. Et finalement, la part qui relève du patient, ce n'est que 25%, un quart du problème posé par l'observance thérapeutique au niveau mondial. Donc ça veut dire pour vous, cette dynamique, redonner du pouvoir aux malades. Alors cette dynamique, c'est redonner du pouvoir aux malades, sachant que c'est compliqué parce que quand vous sortez d'une phase intensive des traitements, finalement, le pouvoir, vous l'avez donné à la médecine. Et donc, finalement, pendant votre année de traitement, vous autorisez, vous faites ce que j'appelle, moi, une délégation du souci de soi à autrui. Et à la fin, on vous dit, ben maintenant, ça y est, vous pouvez reprendre le travail. Et là, vous dites, attendez, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ben oui, pendant un an, je dépendais. Je dépendais de personnes qui sont expertes dans le traitement de la cellule cancéreuse. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, reprendre le pouvoir pendant le traitement, c'est se voir de nouveau doué de ce pouvoir quand on sort de la maladie. Dans le parcours de soins, si vous voulez, on ne s'intéresse pas à votre autre zone de pouvoir dans votre vie. C'est-à-dire qu'on est centré sur inactiver la cellule cancéreuse, mais on s'occupe pas de comment ça se passe dans votre couple. Alors le couple, il est complètement souvent, il y a presque un burn-out du couple. On s'occupe pas de vos enfants à l'école qui commencent à décrocher au niveau scolaire. On s'occupe pas de votre travail. On vous dit même, attendez, ça on verra plus tard. Et dans les études, même, je suis en train de lire. Je l'avais observé, mais c'est mieux d'avoir des études pour faire de l'évidence base. Qu'on a tendance à aborder, par exemple, la question du travail avec les hommes et pas avec les femmes. On a tendance à dire aux femmes, reposez-vous. Bon, on a 4 millions de personnes survivant au cancer, dont 1 million en âge de travailler. On sait que 2 ans après un diagnostic de cancer, 25% ont quitté leur emploi. On a 80 000 nouveaux cas par an qui concernent des personnes en âge de travailler. Et cancer et travail, c'est l'hécatombe. Et donc ça, ce n'est pas normal. Donc nous essayons de travailler, toujours à Sorbonne Université, sur un bilan de compétences qui serait sensible au cancer, c'est-à-dire de préparer le retour au travail en faisant le point sur les compétences, y compris d'ailleurs pouvoir faire quelque chose de comment ça nous a renforcés, voir des compétences qu'on a acquises, qu'on n'aurait pas acquises si on n'avait pas eu un cancer, et comprendre les phénomènes de transition professionnelle, réorientation professionnelle, comment le cancer remet en question nos intentions professionnelles antérieures, et puis surtout comment se préparer, parce que ça revient quand même à se préparer, se doter d'outils pour lutter encore contre les maltraitances qu'on rencontre dans les entreprises. Je suis un ovni, en fait. Lily. Les gens ne comprennent pas que je ne suis pas déjà morte. Les gens ne comprennent pas que... si je reviens au travail, c'est que... Hop, hop, hop, tout va bien. Non, tout va pas bien, en fait. Je suis en situation de handicap et je suis dans le handicap invisible. Donc, il va falloir m'aider. Et là, on nage dans un monde qui n'anticipe pas le retour à l'emploi, dans un monde qui n'organise pas, et dans un monde où, moi je me suis prise dernièrement, moi je n'ai pas le temps de gérer un agent comme toi. Et donc moi je leur explique que je vais être immunodéprimée pour le reste de ma vie. Et trouver un bureau seul, c'est compliqué, me laisser en total télétravail, même s'il y a des prescriptions médicales, c'est compliqué. Travailler avec moi pour une mobilité sur un poste où je pourrais mettre à profit mes compétences, mon expertise, ça semble compliqué aussi. Enfin, en gros, tout est compliqué. Et ça donne l'impression que si on pouvait finalement s'arrêter et en arrêt de travail, voire être inapte, ce serait moins compliqué, quoi. Sauf que moi, c'est mon combat, en fait. Donc, j'étais frustrée, je ne retrouvais pas ma place au travail, je ne retrouvais pas ma place à la maison. Je cachais mes cicatrices physiques par des vêtements et je cachais aussi mes cicatrices morales par le maquillage, par le sourire que j'affichais devant les gens, mais je n'allais vraiment, vraiment pas bien. Je me posais énormément de questions, j'ai perdu énormément confiance en moi. Et à ce moment-là, au moment où j'étais au plus mal, j'ai découvert un article dans la presse concernant l'Université des patients de Sorbonne. Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait sanctionner par un diplôme notre expérience de patient. Et à la lecture de l'article, je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Et donc j'ai candidaté en mars pendant le Covid. J'ai envoyé ma candidature, ma lettre de motivation avec un projet qui était à la base d'accompagner les patients dans l'accès à l'information pour mieux se soigner et être acteur surtout de leur parcours. En juin, on attend que la commission passe et on se dit, bon, pas de nouvelles, c'est fichu. Et puis arrive un matin, très tôt, à 9h, je reçois un appel et c'était l'Université des patients qui m'informait que j'avais été prise dans la promo qui allait démarrer en septembre. Donc là, j'en ai encore des frissons parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai réussi déjà. J'ai passé un cap. Je suis prise. Donc niveau confiance en soi, ça rebooste. J'ai réveillé tout le monde dans la maison. J'ai sauté au plafond. Et puis après, je me suis dit, waouh, je vais reprendre mes études. Par contre, j'avais 42 ans, est-ce que ça va aller? Et puis la fierté, beaucoup de fierté, j'étais fière d'avoir réussi ce passage, mais j'ai énormément vu de fierté dans les yeux de mon mari, dans les yeux de mes enfants et de mon entourage de façon générale, parce que c'est l'université des patients, Sorbonne. Ça a une autre dimension. Tout à fait. Oui, c'est clair. Et donc, j'ai commencé à être mise en mouvement dès les premiers modules, par le vécu de ma maladie, par une meilleure compréhension de mon parcours de soins. On a différents modules qui vraiment nous permettent de nous approprier déjà notre expérience. On nous apprend les différents parcours de cancérologie qui existent. On a des cours sur Darwin, sur les différentes phases d'évolution d'une cellule saine à une cellule cancéreuse. On a des cours d'épidémiologie, des cours d'histologie, des cours sur les facteurs de risque. Et là, je peux vous dire que dès les premiers modules, quand on a le professeur Escargueil, Galoula ou le professeur Gligorov, on se dit « waouh, il va falloir assurer ». Et je me souviens que le premier cours sur la cellule, je me suis dit « mais où je suis, je ne vais jamais y arriver ». Pour Stéphanie, ce retour à l'université est une sortie par le haut. Sortir de la sidération et de l'emprise du cancer, devenir actrice de la maladie, en faire un boulot, porter haut ses nouvelles compétences, avec une énergie retrouvée, une force composite faite de fêlures et de souffrances. Aujourd'hui, elle dit la maladie haut et fort, partout où elle le peut. Dans des ateliers thérapeutiques, devant des élèves, dans des zones commerciales. Il n'y a pas si longtemps, c'était le silence qui prévalait. On a décidé de ne pas avertir les enfants. Mes filles qui avaient 8 ans et 4 ans, je ne me voyais pas briser leur innocence, briser leur enfance, leur scolarité par l'arrivée de la maladie dans leur vie. C'était quelque chose d'inenvisageable. Et donc mes enfants ne m'ont jamais vue malade. Le matin, j'étais levée avant elles. Quand il y a eu la période sans cheveux, elles ne m'ont jamais vue sans cheveux. J'étais toujours prête le matin avant, coiffée, maquillée, pour camoufler les effets de la maladie. Je l'ai cachée à mes filles, mais je l'ai également cachée aux membres de ma famille. Je ne les ai pas vues pendant un an. À chaque fois, je prétextais quelque chose pour ne pas me rendre disponible. Mais cela, c'était pour me protéger moi aussi. Ça veut dire qu'en plus de la maladie, de ses effets, vous vous êtes infligé une charge terrible que celle du secret. Oui, effectivement. Ne pas en parler me permettait également de ne pas la faire rentrer dans mon cercle. Comment vous voyez ça rétrospectivement, toute cette énergie que vous avez mis à dissimuler les choses? Eh bien, en fait, je ne le referai plus et je les ferai participer. Après, c'était vraiment, ça partait d'une bonne intention, c'était pour les protéger, elles, qu'elles puissent continuer à vivre normalement. Je ne voulais pas que ma situation, ma maladie les impacte, mais au final, on est quand même beaucoup plus fort à quatre qu'à deux. Donc tout au long de l'année de formation, j'ai appris à m'approprier mon parcours, mon vécu, et j'apprends au cours d'un module de formation sur Vican 5, qui est un rapport, c'est la vie 5 ans après le cancer. Et quand je prends connaissance de ce rapport, mais je me dis, en fait c'est normal ce que j'ai, mais c'est normal, je fais partie des 2 patientes sur 3 qui souffrent de séquelles liées à la maladie et au traitement. Et donc, partant de là, lors du rendez-vous qui arrivait avec l'onco, j'en ai parlé. Et à l'issue de ce rendez-vous, il a décidé de m'orienter vers un spécialiste de la douleur dans le service onco-palliatif. Ça faisait 5 ans que j'exprimais ces douleurs, que j'exprimais ces difficultés à dormir, que j'exprimais les troubles cognitifs. Enfin, je discutais avec mon mari et des fois, il me questionnait sur la date de notre mariage. Oh, je le regardais, je fais « bah, je sais pas, je ne me rappelais plus même la date de naissance de mes enfants et même des fois leur prénom. J'avais du mal à sortir leur prénom. Et donc tout ça, en fait, pour le gynéco, enfin pour l'onco, pardon, c'était normal, c'était psychologique en fait. Pendant 5 ans, ça a été que ça, c'est psychologique. Je suis allée voir un magnétiseur, un rebooteur, j'ai été faire toutes les professions extérieures, l'acupuncture, j'ai tout testé. Donc je suis allée voir le spécialiste de la douleur en me disant, bon, il m'envoie voir un copain et il va me dire la même chose, c'est psychologique. Et donc j'y allais, je n'étais pas fière, hein. J'y allais avec beaucoup d'appréhension et j'étais à fleur de peau. Et le médecin, donc voilà, il me dit « Pourquoi vous venez ?» Donc je lui dis « Voilà, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, j'ai eu tel parcours. » Et là, actuellement, j'ai énormément de douleurs. Et là, il a enchaîné. En fait, il a raconté ma vie. Il a raconté ce que je vivais. Et il m'a dit « Mais madame... » Parce que je commençais à pleurer. Je dis « Mais enfin, quelqu'un qui comprend ma vie. » Et j'avais l'impression qu'il vivait ma vie en même temps qu'il me l'a raconté. Mais il me dit, mais c'est tout à fait normal. Il dit, vous avez eu telle opération, tel traitement, ça a atteint telle zone. Donc il m'a dit, rassurez-vous, ce n'est pas psychologique. Il dit, vous êtes malade. Il dit, par contre, ça se soigne, mais ça ne se guérit pas. Vous ne guérirez pas. Et là-dessus, un gros soulagement, en fait, qui est arrivé. Dans le cadre de l'UDP, dans le cadre de l'Université des patients, vous avez compris des choses sur votre maladie que pas un seul de ces toubibs n'a été capable de vous dire. Tout à fait. Tout à fait. Ça vous met en colère, ça, ou pas ? Oui, parce que le spécialiste de la douleur m'a dit clairement que j'avais perdu 4 ans de ma vie et que psychologiquement, quand on vit H24 avec des douleurs qui vous empêchent de dormir, c'est très dur. Et qu'il ne comprenait pas que je n'ai pas craqué avant, en fait. Et il m'a dit, vous êtes quand même assez forte. Mais cette expérience, du coup, elle m'a servi parce que j'ai rencontré d'autres patientes qui vivaient la même chose. Et je leur ai parlé du spécialiste de la douleur. Et elles sont allées le consulter. Donc ça a servi. Et j'en ai parlé aussi à la psychologue qui me suivait, à la sophrologue également, au personnel des soins de support. Je les ai un peu sensibilisés par rapport à ma situation et je leur ai dit qu'en fait, c'était des fois une pathologie physique qu'il y avait derrière et qu'un spécialiste de la douleur existait et qu'il était là pour accompagner et soigner. Oui, même maintenant, je suis beaucoup moins coquette. Moi, je suis quasiment tout le temps en jogging à la maison, puisque je me remets pas mal au sport. Mais je me maquille quand même tout le temps, quoi. Même si je vois personne. J'aime bien. Sinon, j'ai une seule tête. Quand je me regarde dans le miroir, je suis pas maquillée. Je dis, oh, t'as une tête de fatiguée. Et t'arrives à te regarder dans le miroir? Bah, oui, le miroir, on en avait déjà parlé avec Isabelle, où quand je suis rentrée de l'opération, je m'étais dit, je vais cacher tous les miroirs dans la salle de bain pour que je vois que ma tête et que je vois pas ma poitrine. Ah oui, ah, oui, oui, non, je l'ai pas fait, un peu grâce à Isabelle, on en a parlé avant, quoi. Et maintenant, bah, ça va, non, maintenant, je me regarde, ça va, je pleure plus. J'en ai versé des larmes, mais là c'est fini. Bah, quand j'étais malade, j'aurais tellement aimé pouvoir parler à un autre malade. Ça, c'est vraiment, ça m'a manqué. Quand j'ai été opérée, je voulais même voir, rencontrer, je l'ai demandé à mon chirurgien. J'aimerais voir quelqu'un qui a été opéré et discuter avec cette personne-là. Et j'ai pas eu ça. Et donc là, moi si je peux le faire, je le fais. Et alors, cette beauté-là que vous décrivez... L'immense apport des patients partenaires est aussi de s'attaquer à des problématiques singulières et adaptées au territoire. Ici, à Saint-Ouen-du-Tilleul, on est dans un désert médical. Il y a 59 médecins généralistes pour 100 000 habitants, soit 2 fois moins que la moyenne nationale. Pour être encore plus précis, dans les 7 villages qui nous entourent, il y a 13 médecins pour 990 malades d'un cancer. Un ratio impossible à tenir. Quand j'ai eu mon cancer, je me suis aperçue, en fait, en allant à une réunion des actions Octobre Rose, Anne-Marie Benaroun, que beaucoup d'actions, ou la majorité des actions, elles se faisaient dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations et très peu dans le monde rural. Et moi, je me suis dit, mais mince, pourquoi c'est toujours nous qui devons aller faire 30, 40, 50 kilomètres pour être sensibilisés, pour avoir de l'information, pour participer même à des actions autour de la lutte contre le cancer? Et je me suis dit, bah, moi, j'étais présidente d'une association de sport, j'ai dit, je vais créer un événement dans mon village. Et là, c'est les institutions qui vont venir dans mon village pour donner l'information aux habitants ruraux. Où il y a deux établissements de santé qui peuvent faire de la chimio dans toute l'heure, 5 ou 6 qui peuvent faire de la chirurgie, et je crois aussi qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui peuvent faire de la radiothérapie. Donc la population qui a un cancer dans l'heure, elle est obligée d'aller très loin pour se faire soigner. Il n'y a pas de spécialiste en oncologie à proximité, il n'y a pas de soins de support, il n'y avait pas d'atelier d'éducation thérapeutique avant que moi j'en fasse. Et petit à petit, j'ai basculé en fait. J'ai pris de plus en plus de plaisir à accompagner ces femmes, je me suis sentie de plus en plus utile et je me suis dit, faut que je fasse quelque chose parce que la partie bénévolat a commencé à prendre trop de place par rapport à ma vie professionnelle. Et donc j'ai dit, je vais me former et je vais essayer de faire quelque chose de tout ça et de monter un projet pour pouvoir accompagner les femmes, mais localement. Et puis du coup, il y a une association qui s'est créée à Beaurumois, donc dans mon village. Cette association, c'est Maison Rétablissement du Cancer, qui s'est créée, où là, on est en partenariat avec le pôle santé du Roumois, c'est pour ça qu'on utilise ces locaux, et donc avec les médecins traitants, les infirmières libérales, des psychologues. On veut faire de cette maison de santé un pôle de référence rural dans l'accompagnement cancérologique, avec à la tête de ce dispositif une patiente partenaire. Donc c'est moi, vous. Aujourd'hui, patiente partenaire, ça va devenir mon activité principale. Rémunérée. Qui rémunère les patientes partenaires? Alors aujourd'hui, c'est compliqué, la rémunération des patientes partenaires, parce qu'il n'y a rien de figé nulle part. Et ça, c'est vraiment un gros manque. Il n'y a pas de fiche de poste générale qui a été établie. Il n'y a pas de labellisation, de normes, de choses très clairement identifiées ni par le ministère de la Santé, ni par la Haute Autorité de Santé, ni par l'INCa, qui est l'Institut National du Cancer. Tout le monde dit qu'il faut travailler avec des patients, que ce soit dans les structures médicales. Les hôpitaux, ils doivent être certifiés avec des patients. Et aujourd'hui, personne n'arrive à passer le cap de ces outils, de ces bases qui permettraient d'avoir des contrats de travail beaucoup plus simplifiés et d'aider les structures qui le souhaitent à pouvoir embaucher. Il n'y a pas d'embauche encore, mais pour l'instant, à l'AP, je ne suis pas rémunérée et je suis là depuis 3 ans en creusant justement avec les équipes le sillon d'une présence, d'un poste, mais il manque la case. Voilà. Donc s'il n'y a pas la case, comme vous dites, c'est aussi qu'il y a le... Ça va arriver, je pense que ça va arriver. Aujourd'hui, le patient partenaire, on sait, partenaire de ses propres soins, partenaire pour autrui. C'est bon, c'est... Pourquoi aujourd'hui c'est possible alors qu'il y a 20 ans c'était pas possible? Je pense qu'on a affaire aussi à des médecins, une nouvelle génération de médecins, des nouvelles générations de soignants qui sont peut-être pas dans les formations, parce que là, justement, le patient partenaire arrive dans les formations pour vraiment les mettre en... C'est ce que je fais aussi, pour leur dire qu'on existe et qu'on co-construit mieux et que le soin, c'est aussi pas vers le patient ni pour le patient, mais ça se construit avec le patient. Donc c'est vraiment un changement, un grand changement aussi de paradigme. Et que, il faut savoir qu'aujourd'hui, on réfléchit vraiment... le numérique, c'est réfléchir pour demain à comment on va gérer une population très vieillissante, comment on va gérer les multipathologies, comment on va gérer, et pas qu'à l'hôpital, parce que l'hôpital va devenir une plateforme de soins, mais ça va être beaucoup aussi sur le domicile, sur l'ambulatoire. Il faut réfléchir. Et c'est pour ça qu'en tant que patiente partenaire, il faut qu'on s'empare aussi de ces questions-là. La santé, c'est un domaine dans lequel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les citoyens doivent s'occuper de leur propre santé, ils doivent y participer, puisque la plupart des traitements, plus ça a été très intéressant, sont en ambulatoire. Par exemple, le cancer, c'est vous vous soignez vous-même tout seul chez vous. Donc à partir du moment où, si vous voulez, dans beaucoup de pathologies, ce n'est plus à l'hôpital qu'il y a le soin, mais c'est chez vous et en ambulatoire... Il faut faire avancer tout le monde, donc il faut doter les patients, c'est évident, de compétences, de capabilities, etc. Enfin, c'est vraiment un paradigme pour, pas pour demain, pour dès aujourd'hui, dans l'intérêt collectif. Alors, est-ce que dans le cursus des médecins, quelle que soit leur spécialité, il y a une case, justement, pour intégrer la circulation du pouvoir, la remise en cause de la verticalité? Est-ce que les patients partenaires sont présents quelque part dans le cursus des médecins? Oui, des patients enseignent dans les facultés de médecine. Maintenant, ils enseignent sur la maladie, l'expérience patient, mais ils n'enseignent pas sur les institutions de santé, ils n'enseignent pas sur comment rendre l'institution soignante, ils n'enseignent pas sur comment modifier et révolutionner le système de santé, parce que je ne suis pas sûre qu'ils continueraient à pouvoir enseigner s'ils enseignaient. Enfin, donc, ce ne sont pas des enseignements fondamentalement critiques et émancipatoires sur la condition de patient. Donc, on voit bien que il va falloir le faire. C'était Cancer, la nouvelle ère. Université des patients, redonner du pouvoir aux malades. Avec Anne-Marie Benaroun, Christelle, Isabelle, Clotilde et Lily. Stéphanie Bayeul, Catherine Tourette-Turgis, Claude Ganter, Charlotte Joly, Claire Kéval. Documentation, Patricia Miura. Conseiller musical, Antoine Vuilloz. Mixage, Manon Houssin. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Kervan. Merci à Siam Abashkir. Un documentaire de Rémi Libowski-Douat, réalisé par Anne de Belchin.